everybody, how you doing? I do it good. Come on. Faster, stronger, full toward the... Faster. Let's find something that we can play on together. Go, go, go, go, go. We may slow down the BPM a little bit. Otherwise, we may be popping. It's a butterfly, dragonfly, and I'm feeling good, and I'm feeling good, and I'm feeling good. Rhythm on the rhythm, on the rhythm, take it. Rhythm. Camarade, sois patient, bientôt, bientôt, bientôt, on pourra danser, camarade, bientôt, bientôt, Donne-moi ta main, donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, où les hommes sont rois. Toi, donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont donne-moi, ouais, donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les âmes sont toi qui viens d'un pays, yes. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, où les hommes sont rois. Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade. D'un pays où les hommes sont noirs. Faut les laisser partir. Donne-moi ton camarade. Peuvent donner loi et qui même à chacun son plaisir écrit. Donne-moi ta main, camarade. À qui même? les oiseaux, les cascades. Wet slow, no man, I'm cold, I'm slow, yeah. So, for sure, hey, broken love, but think I'm a little bit okay. But going to the moon river, moon river. Moon river on me, moon moon river. Yes, I need to go to the river because I'm lost. Yes. Yaolo, intergénérationnel problème. C'est la France, c'est pas que la France, mais quand même, on a une tendance à poser le problème. On est à l'intérieur. Extérieur, intérieur. Moon river and me. River and I. That's a fountain. That's a geyser. I mean, whoa, daddy, stand by. That's a fountain. That's a geyser. Whoa, daddy, stand by. That's a fountain. That's a geyser. Whoa, daddy, stand by. Moon river. Face are crumbling on each other. Je ne plus faire ça. Évidemment. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Quand tu leur donnes un chemin.